Chant cinquième. Dans le deuxième cercle, ainsi nous pénétrâmes. Il en sert un enfer plus étroit, où les âmes, dans les pleurs et les cris, souffrent plus durs tourments. Le farouche minot se grince au seuil de cet antre. Par lui, chaque pécheur, jugé sitôt qu'il entre, au repli de sa queue, a vu son châtiment. À peine devant lui, l'ombre infâme est venue. Elle montre au démon son âme toute nue, et cet inquisiteur de nos péchés mortels voit quel gouffre d'enfer est digne de l'impie. Et sur ses flancs, sa queue en cercle arrondi mesure aux condamnés les cercles éternels. La foule devant lui toujours se renouvelle, approchant tour à tour. Chaque âme criminelle parle, entend son arrêt, puis tombe et disparaît. Ô toi qui viens ici dans ce funeste asile, dit Minos, me voyant entrer avec Virgile, et comme interrompant son office à regret. Regarde bien à qui ton âme s'est livrée, et ne t'assure pas sur cette large entrée. Pourquoi hurler ainsi ? Tes cris sont superflus, nous suivons un chemin prescrit, répond mon guide. On l'a voulu là-haut, et quand le ciel décide, le ciel peut ce qu'il veut, n'en demande pas plus. Dans cet instant, j'ouïs des accents lamentables, nous étions arrivés dans des lieux redoutables, déjà j'étais frappé par le bruit des sanglots. Lieu muet de lumière, enceinte mugissante, c'était comme une mer levée et frémissante, quand des vents ennemis combattent sur des flots. Le souffle impétueux de l'éternel orage emportait des esprits, comme au gré de sa rage, les roulant, les heurtant avec ses tourbillons. S'ils venaient à toucher les parois de l'enceinte, c'étaient des cris perçants de douleur ou de crainte, des blasphèmes au ciel, des imprécations. J'appris que ce tourment était fait pour les âmes esclaves de la chair et des impures flammes qui firent le devoir aux caprices pliés. Comme on voit en hiver une bande serrée de frêles étourneaux, dans les airs égarés, tels ces pauvres esprits d'un vol irrégulier, allés de ci de là, promenés par leur âge. Jamais aucun espoir pour reprendre courage, nul repos à leurs maux, nul adoucissement. Et telles des alcions sillonnant les ténèbres, volent en longue file avec des cris funèbres, tels j'en vis arriver gémissant sourdement, et de cet ouragan le jouet misérable. Maître fis-je, quelle est cette race coupable que fouette sans pitié le vent noir des enfers? Cette ombre devant toi que tu vois la première, me répondit le maître, est une reine altière, qui jadis commandait à des peuples divers. La luxure effrénée a dévoré sa vie. Elle crut échapper à son ignominie en mettant dans sa loi. Le plaisir est permis. C'est la Sémiramis qui, dit-on, chose infâme, avait nourri Ninus et qui devint sa femme au lieu que le Soudan à ses lois tient soumis. L'autre est cette Didon d'un fol amour touché qui mourit infidèle aux cendres de Siché. Après vient Cléopâtre, au cœur luxurieux. Après elle, je vis Hélène, dont les charmes ont amené 10 ans de forfaits et de larmes, Achille aussi vaincu par l'amour furieux. Je vis Paris, Tristan, bien d'autres, et Virgile me les montrait du doigt en les nommant par mille, tous par les feux d'amour avant l'âge expiré. Lorsque j'eus entendu mon maître en son langage me nommer ses héros, ses dames du vieil âge, la pitié confondue mes sens comme égarés. Poète, j'aimerais adresser la parole à ces deux ombres-là, couple enlacé qui vole et qui semble flotter si léger sous le vent. Attends, répondit-il, qu'elles se soient rapprochées. Alors, par cet amour qui les tient attachées, tu les conjureras de venir un moment. Dès que vers nous le vent les eut comme inclinés, je m'écriai : venez, ombre infortunée, si rien ne le défend, oh, venez nous parler. Comme on voit deux ramiers que le désir convie, tendre vers le doux nid, l'aile ouverte, affermie, et portée par l'amour de par les airs volés. Ainsi sortant des rangs où Didon se lamente, le couple vint à nous à travers la tourmente, si touchant fut mon cri, tant mon appel pressant. Ô toi, dit l'un, aimable et bonne créature, qui viens nous visiter dans la contrée obscure, quand le monde est encore rouge de notre sang. Si le roi tout-puissant nous est témoin contraire, nos voeux l'invoqueraient pour ta paix, ô mon frère, puisque ton cœur s'émeut au séjour malfaisant. Tout ce qu'il vous plaira de dire ou bien d'entendre, nous pourrons l'écouter, nous pourrons vous l'apprendre, pendant que l'ouragan se tait comme à présent. La terre où je naquis, de la mer est voisine, de la mer azurée où le pot s'achemine, pour y trouver la paix avec ses affluents. Amour, dont un cœur noble a peine à se défendre, fit chérir mes attraits, aujourd'hui vaine cendre. Le coup qui les ravit saigne encore à mes flancs. Amour qui nous contraint d'aimer quand on nous aime, de son bonheur à lui si fort mépris moi-même, que cette ardeur toujours me brûle, tu le vois. Amour à tous les deux nous a coûté la vie, mais la Caïne attend celui qui l'a ravie. L'air nous porte à ces mots de la plaintive voix. Entendant ces douleurs, moi je penchais la tête, tenant les yeux baissés, tant qu'enfin le poète. Or, à quoi penses-tu? Pourquoi baisser les yeux? Lorsque je pus répondre, hélas, âme blessée, quel enivrant désir, quelle douce pensée ont dû les entraîner au terme douloureux. Puis vers eux me tournant, Françoise infortunée, m'écriai-je, mon cœur a plaint ta destinée, le récit de tes mots me rend triste à pleurer. Mais dis-moi, dans le temps des deux soupirs, pauvre âme, comment à quoi l'amour vous révéla sa flamme, ses désirs qui d'abord n'osaient se déclarer. Il n'est pas de douleur plus grande et plus amère qu'un souvenir des temps heureux dans la misère. Ton maître le sait bien, me répondit la voix. Mais puisque tu parais si désiré d'entendre, comment dans notre cœur fleurit cet amour tendre, je ferai comme qui pleure et parle à la fois. Ensemble nous lisions l'histoire enchanteresse de Lancelot épris d'amour pour sa maîtresse. Nous étions seuls alors, innocents et sans peur. Maintes fois, soulevant nos regards de la page, nous nous rencontrions, échangions de visage. Mais ce fut un seul mot qui vainquit notre cœur. Arrivé au passage où l'amant de Ginèvre baise enfin le sourire envié sur sa lèvre, celui qu'on ne peut plus me ravir, tout tremblant se suspend à ma bouche et d'un baiser m'enivre. Le galéot pour nous fut l'auteur et son livre, et nous ne l'eûmes pas ce jour-là plus avant. Ainsi l'ombre parlait, l'autre avec violence pleurait en l'écoutant et gardait le silence. Et moi, je me sentis mourir de son transport et tomber sur le sol comme tombe un corps mort.